rire, regard, compréhension. Et sous le soleil de Venise, je vois des bateaux qui s'éloignent. Le pêcheur dort dans cette ville d'or. Toute mélodie des cithardes nous transporte, nous voyageurs. Que nous sommes exacerbés, les rues sous nos pieds sont difformes. Les jumeaux de Palaine diurne, les jumeaux de Palaine diurne. De vieilles touristes sans corset se tiennent à devancer. Vraies gentilles personnes brutes, faisons une chose, ouvrons le brut. Des grenouilles flamboient très tard, ce feu est d'or et dehors. Les jumeaux dansent sans effort, et leur amour fut un tétard. Les jumeaux de Palaine diurne, les jumeaux de Palaine diurne, les jumeaux de Palaine diurne, les jumeaux de Palaine.